Voici le jour. Voici l'amour. En m'emmenant sur son chemin, celle qui a changé mon destin. C'est toi qui m'as appris l'amour. C'est toi qui m'as donné le jour. J'ignorais la vie et ses merveilles. Si je crie, c'est de joie et d'espoir devant toi. C'est toi qui m'as appris l'amour. C'est toi qui m'as donné le jour. Je vivais des matins sans lumière. Maintenant tout me paraît clair. Aussi depuis, si je crie, c'est de joie et d'espoir devant toi. Un nouveau monde s'ouvre à moi. Ouvert partout de peur. Un nouveau monde éclate en moi. C'est chant. C'est toi qui m'as appris l'amour. C'est toi qui m'as donné le jour. Le ciel a exaucé ma prière. Maintenant tout me paraît clair. Aussi depuis, si je crie, c'est de joie et d'espoir devant toi. Oh, voici le jour. Voici l'amour. En m'emmenant sur son chemin, celle qui a changé mon destin. C'est toi, c'est toi.